Ô pâle Ophélia, belle comme la neige. Oui, tu mourus, enfant, par un fleuve emporté. C'est que les vents, tombant des grands monts de Norvège, t'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté. C'est qu'un souffle, tordant ta grande chevelure, à ton esprit rêveur, portait d'étranges bruits, que ton cœur écoutait les chants de la nature dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits. C'est que la voix des mères folles, immense râle, brisait ton sein d'enfant, trop humain et trop doux. C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle, un pauvre fou, s'assit, muet, à tes genoux. Ciel, amour, liberté, quel rêve, ô pauvre folle! Tu te fondais à lui comme une neige au feu. Tes grandes visions étranglaient ta parole. Et l'infini terrible effara ton œil bleu. Et le poète dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher, la nuit, les fleurs que tu cueillis. Et qu'il a vu, sur l'eau, couchée en ses longs voiles, la blanche Ophélia flotter comme un grand lys.